La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-8080 est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 Dequin secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 19 décembre. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de patinage de vitesse sur courte piste. Il y avait une compétition en fin de semaine qui se déroulait et ça a quand même très très bien été pour nos patineurs et patineuses en Corée. Marianne Saint-Gelas qui a une médaille d'argent avec au 1500 mètres avec un chrono de 2 minutes 25 et 835 centièmes. Au 500 mètres, Marianne a terminé au 7e rang et Cassandra Bradette a pris le 8e rang. Et au 1000 mètres, Cassandra Bradette a terminé au 11e rang. Au relais, l'équipe canadienne a terminé au 3e rang. Elle a négocié le 3000 mètres avec un chrono de 4 minutes 8 secondes et 928 centièmes. Chez les hommes, Charles Hamelin a remporté la médaille d'or avec un temps de 1 minute 23 secondes et 67 centièmes. Au 5000 mètres, l'équipe canadienne a terminé en deuxième place avec un chrono de 6 minutes 43 secondes et 96 centièmes. Pendant ce temps-là, à Calgary, c'était les championnats canadiens juniors et les patineurs et patineuses de la région ont quand même réussi, n'ont pas réussi à se qualifier pour les championnats mondiaux. Par contre, ils ont quand même bien fait. Catherine Mailloux de Saint-Félicien a pris le 9e rang et Rosalie Tremblay le 10e rang. Ils sont tous les deux de Saint-Félicien. Maud Tremblay de Dolbeau-Mistassini a négocié le temps au 15e rang. Flavie Laroche-Roy a terminé en 20e place. Et Karina Montmigny de Dolbeau-Mistassini, 23e. Et Marianne Guay de Saint-Félicien, 27e. Maintenant, c'était l'ouverture des transactions hier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On a confirmé ce que tout le monde savait déjà, c'est que les Saguenayens ont fait l'acquisition des frères Climat, Kelly et Kevin Climat, des Wildcats de Moncton. En retour, Yannick Jean a cédé Julien Tessier et un choix de premier et quatrième ronde au repêchage de 2017. Kelly Climat était le meilleur pointeur des Wildcats de Moncton avec une fiche de 14 buts et 18 passes. Tant qu'à Kevin Climat, il a marqué 4 buts et amassé 18 passes en 29 parties. Les frères Climat sont les fils de l'ancien joueur de la Ligue nationale, Peter Climat. Et sur la glace, les Saguenayens ont joué pour 500 en fin de semaine. Les Saguenayens ont surmonté un déficit de 3-0 pour vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 4-3. Le nouveau venu, Joey Ratel, a fait sentir sa présence avec un but, une passe, de même qu'Antoine Marcoux. Il y a Dimitri Zoukenov qui a également marqué un but. Et du côté également des Saguenayens, Zachary Lavigne a complété le pointage. Et vendredi, les Sacs s'est incliné 6-1 contre les Cataractes de Shawinigan. Et dans le match, Jérémy Groslot a marqué le seul but dans la rencontre. Dans ce match, Samuel Girard a été blanchi. Autre game maintenant des Cataractes de Shawinigan, cette fois 6-1 contre les Remparts de Québec. Samuel Girard a amassé une passe dans la rencontre. Et tant qu'aux Huskies de Rouyn-Noranda, ils ont joué pour 500 en fin de semaine. Ils ont perdu 4-3 contre les Voltigeurs de Drummondville et ils ont gagné 4-0 contre le Phoenix de Sherbrooke. Parlons de la Ligue nord-américaine de hockey maintenant. Les Marquis de Jonquière ont joué pour 500 en fin de semaine dans leur retour, dans leur aller-retour contre Thetford. Et dans la première rencontre, ils ont gagné 9-2. Le meilleur joueur a été Matthew Medley. Il a marqué une paire de buts. Et dans l'autre match, ils ont perdu 2-0 contre ces mêmes Thetford. Dans la Ligue de hockey junior régional, maintenant, belle victoire des Sabres de Roberval par le compte de 5-4 hier contre les Saguenay de Chicoutimi. Et ils ont perdu 3-2 contre les Aiglons d'Alma. Les Éperviers de Normandin, eux, ont défait les Aiglons 4-1 avant de perdre contre les Marquis de Jonquière hier 4-2. Maintenant, on va parler de la Ligue de hockey midget régionale. Les ambassadeurs de Chibougamau, qui étaient de retour sur la glace après une longue période de repos, ont gagné 8-0 sur le National de la Baie et ils ont défait également le National 6-4. Ligue Bantam régionale maintenant. Les Hurricanes de Mastouillache ont gagné 2-0 contre les Patriotes de Saint-Bruno et ils ont gagné également 4-1 contre le National de la Baie et ils ont perdu 2-1 contre les Marquis de Jonquière. Du côté des Rapides de Boumsissi, les Rapides, eux, étaient en action à deux reprises et ils ont gagné 3-1 contre les Patriotes de Saint-Bruno et ils ont perdu 3-2 contre les Vikings de Baie-Comeau. Maintenant, du côté des ambassadeurs de Chibougamau, ben, hier, ils ont perdu 4-3 contre le National de la Baie et ils se sont inclinés également 7-3 contre les Basques de Sept-Îles. Donc, c'est ce qui complète évidemment l'action hier dans la Ligue de hockey Bantam Régional. Le sport local et régional, à danradiosport.com.